Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la bataille de la Somme en 1916. Ça me met en colère de penser que des hommes ont pu envoyer d'autres hommes au massacre, parce que là c'était un massacre. La colère et l'incompréhension de Paulette Précourt, dont la maison familiale a servi d'hôpital pendant la bataille de la Somme, reste aujourd'hui encore vive et profonde. Le seul souvenir de cette bataille de la Somme évoque l'épisode le plus sanglant de la Première Guerre mondiale. 4 millions d'hommes vont se battre en Picardie entre le 1er juillet et le 18 novembre 1916. Après plus de 4 mois de combat, la bataille de la Somme laissera le triste bilan d'1 200 000 morts, blessés et disparu, un véritable carnage. Nous nous engageons tous avec le Canada à continuer de commémorer cette importante bataille. Le prince Charles leur a rendu hommage. Il y a 100 ans, le régiment de Terre-Neuve, qui se battait alors pour l'Empire britannique dans la Première Guerre mondiale, était décimé dans la vallée de Beaumont-Hamel, en France. 733 des 800 soldats qui le composaient ont été tués ou blessés en une seule journée. Et ce n'est qu'un des chapitres de la bataille de la Somme qui allait durer 4 mois et demi. De nombreuses cérémonies avaient lieu aujourd'hui pour commémorer son centenaire. Frédéric Nikolov. C'est en présence de la famille royale britannique que le président français François Hollande et le premier ministre démissionnaire David Cameron ont rendu hommage aux victimes de la bataille de la Somme. La cérémonie s'est déroulée au pied de l'imposant mémorial de 45 mètres de haut où sont inscrits les noms de 72 000 soldats disparus et non identifiés de l'Empire britannique, morts dans les champs de bataille avoisinants. Au Royaume-Uni, plusieurs cérémonies ont été organisées pour commémorer le début de la bataille. Une cérémonie religieuse s'est tenue à l'intérieur de l'abbaye de Westminster, où 2 minutes de silence ont été observées à l'heure où débutait l'offensive de la Somme, il y a un siècle. Extrait d'un reportage de Frédéric Nikolov le 1er juillet 2016 qui relate les différentes cérémonies de commémoration organisées à l'occasion du centenaire du début de la bataille de la Somme. Pour nous expliquer ce qui a conduit à cette bataille, nous parler également des leçons qui en ont été tirées de cette bataille de la Somme. L'historien de l'Université de Montréal, Carl Bouchard, collaborateur régulier à l'émission. Carl Bouchard, bonjour. Bonjour. On dit que cette bataille-là, elle est importante, que c'est un point tournant, la bataille de la Somme, dans cette Première Guerre mondiale. Pourquoi? En quoi et de quelle manière elle est si importante? Elle est importante dans le contexte de la guerre elle-même, c'est-à-dire qu'elle marque un passage, un point tournant dans la guerre. C'est le moment où on prend véritablement conscience dans les armées et dans la population qu'on est maintenant dans une guerre industrielle. Donc, il y a un changement, là, une mutation dans le type de guerre. Elle est importante aussi pour son immensité, c'est-à-dire que c'est la plus grande offensive qu'on a connue durant la guerre. Donc, elle est en soi aussi intéressante lorsqu'on étudie l'histoire de la Première Guerre mondiale. Mais elle est intéressante aussi dans sa dimension mémorielle, parce que du côté des Britanniques en particulier, et même du côté des Allemands, on se rappelle de cet événement comme un des événements marquants de la Première Guerre mondiale. Avec un bilan, évidemment, qui sera le plus dur, le plus sanglant de toute cette Première Guerre mondiale. Pourquoi diable les Alliés décident-ils de se lancer dans cette bataille? Oui, on décide en fait parce qu'on est devant une impasse. Au moment de l'entrée en guerre, les Allemands envahissent sur le front ouest la Belgique et une partie de la France. Et à la fin du mois de décembre, en fait, à la fin de l'année 1914, les Allemands se sont bien installés le long d'un front qui s'enlise et qui ne bouge plus. Et à partir de novembre, décembre 1914, ce que font les alliés franco-britanniques, c'est d'essayer de repousser les Allemands, donc de reconquérir le territoire. Et on n'y arrive pas. Et donc, à partir de ce moment, tout ce qu'on fait, c'est d'essayer de repousser les Allemands. Ouais. Et que font les Allemands? Eh bien, ils se défendent comme ils le peuvent. Et dans cette guerre, on s'aperçoit qu'il est beaucoup plus facile, c'est le cas dans presque toutes les guerres, beaucoup plus facile de se défendre que de passer à l'offensive. Qui va mener cette bataille, Carl Bouchard? Vous parliez du fait que c'est une bataille qui est très, très importante, bon, pour les Allemands, bien sûr, mais pour les Britanniques. Ce sont surtout eux, au fond, qui vont mener cette bataille-là. Oui. En fait, au départ, la bataille devait être franco-britannique et majoritairement française. Et lorsqu'on se rencontre en 1915, les chefs d'état-major des pays alliés pour prévoir les offensives de l'année 1916, on prévoit de grandes offensives sur plusieurs points du front Est comme du front Ouest et du front des Balkans pour essayer de déstabiliser les Allemands. Donc de grandes offensives simultanées. Le problème, c'est qu'on ne prévoit pas ce qui va se passer dans les mois qui suivent et les Allemands font une attaque à Verdun. Et ça va mobiliser l'essentiel des troupes françaises, ce qui fait que cette offensive de la Somme qui devait être française et britannique et majoritairement française devient majoritairement britannique. Parce que Verdun, c'est pas rien non plus. C'est l'une des grandes batailles aussi de cette Première Guerre mondiale. Absolument. Ce sont les deux grandes batailles de 1916 et les deux grands moments mémoriels aussi. Pour les Français, Verdun, c'est l'événement marquant de la guerre. Pour les Britanniques, c'est la Somme. Donc, on a là, dans cette année 1916, les points tournants, disons, au niveau militaire. Le plan des Alliés, qu'est-ce que c'est? Le plan des Alliés, c'est de submerger les Allemands. Et donc, ça montre justement la dimension nouvelle que prend cette guerre. On a, depuis le début de la Première Guerre mondiale, tenté des offensives sur des fronts relativement courts, des offensives qui sont systématiquement ou à peu près systématiquement désastreuses. Et là, ce qu'on essaie de faire, c'est justement profiter de l'industrialisation, faire un front d'une quarantaine de kilomètres, immense, avec des centaines de milliers d'hommes qui vont attaquer en même temps, et surtout un bombardement d'artillerie, donc une attaque d'artillerie au préalable qui risque, qui a comme objectif en fait de détruire complètement les défenses allemandes afin justement de conquérir le territoire perdu. Donc percer, bien sûr, ce fameux mur, mais en fait, c'est effectivement gigantesque. Sur 40 kilomètres, on attaque, on veut vraiment détruire ce mur-là. Absolument. 40 kilomètres, 28 pour les Britanniques. Il s'agit effectivement de tellement submerger l'ennemi allemand qu'il n'arrivera plus donc à soutenir un front de telle largeur. Et puis, c'est une façon aussi de drainer. On se sert de la Somme pour dire, si c'est une offensive de cette ampleur, les Allemands vont peut-être se calmer sur Verdun et envoyer des troupes sur la Somme. Donc, c'est une façon aussi de changer la dynamique qui est sur le front ouest au même moment. Ça commence le 1er juillet 1916. Comment ça se passe, cette première journée? C'est une première journée qu'on a prévue grandiose du côté de l'armée britannique. Il y a des caméras, on a commencé à préparer des films. On doit présenter un grand documentaire parce qu'on est convaincu du succès de cette grande offensive. Et le 1er juillet 1916, c'est la catastrophe, en fait. La première demi-journée est la journée, le moment le plus sanglant de toute l'histoire de l'armée britannique. On a des pertes absolument monumentales. 40% des hommes qui se sont engagés ce jour-là ne réussissent même pas à sortir sains saufs. Donc, il y a 10% des soldats britanniques qui meurent avant même d'avoir atteint leur propre barbelé. Pourquoi? Parce qu'on a mal préparé cette offensive. Ouais, la boucherie, véritablement. Un des régiments qui va participer à cette première journée de bataille, c'est un régiment terneuvien. Le régiment va être pratiquement, pour ainsi dire, décimé ce jour du 1er juillet 1916. On écoute l'ex-premier ministre de Terre-Neuve, Danny Williams, qui raconte cette bataille du 1er juillet 1916, ce à quoi ont dû faire face les soldats de ce régiment terneuvien, extrait tiré d'une cérémonie de commémoration à Beaumont-Hamel en juillet 2006. C'est ici même, dans ces tranchées, le premier jour de la bataille de la Somme, que le Royal Newfoundland Regiment a mené sa première bataille en France. Et ce serait la bataille la plus chère de toute la guerre. À partir de la tranchée de soutien qu'on appelait la route de Saint-Jean, ils sont sortis, ils ont couru en zigzag à travers les tranchées et les barbelés pendant 250 mètres. Et puis, il y avait encore 550 mètres sous les balles pour descendre la colline pour atteindre les tranchées, les lignes ennemies. C'était une mission impossible, mais ils ont couru avec bravoure, soldat à côté de soldat, ami à côté d'ami, frère à côté de frère. Et c'est ici qu'ils sont tombés, des centaines de nos jeunes hommes les plus brillants, le sang même de Terre-Neuve et Labrador. En écoutant cet extrait de l'ex-premier ministre Danny Williams, on imagine très bien, Karl Bouchard, l'horreur que ces soldats terneuviens ont vécu le 1er juillet 1916. Ils ont aucune chance de s'en sortir. Oui, ils n'ont aucune chance, en fait, parce que ce qui se passe pour le régiment de Terre-Neuve, c'est à l'image de ce qui se passe dans cette première journée. C'est-à-dire que les Britanniques ont envoyé, mon Dieu, je pense que c'est 1,5 million d'obus sur les troupes allemandes, sur la zone allemande dans la semaine qui a précédé. Or, ces obus, pour le quart d'entre eux, n'explosent pas parce qu'ils ont été mal construits en vitesse, parce qu'on est justement dans un contexte d'industrialisation de la guerre. Une partie de ces obus n'est pas assez sensible pour détruire les barbelés, donc ils entrent dans la terre, explosent, mais font simplement relever les barbelés et les barbelés retombent. On demande aux hommes qu'on imagine très inexpérimentés, c'est une nouvelle armée britannique qui est en train de faire la guerre, de marcher et non pas de courir parce que on leur dit ils sont trop indisciplinés, ils n'arriveront pas à courir et à se retrouver et à se refaire des troupes dans les tranchées ennemies. Alors on leur demande de marcher avec énormément de matériel sur le dos. Et lorsque les hommes sortent des tranchées, ben ils s'aperçoivent que les barbelés n'ont pas été brisés, que les mitraillettes sont toujours de l'autre côté. Et ben c'est la saignée à ce moment-là, dès les premiers instants, dans la première demi-heure, une bonne partie du régiment de Terre-Neuve est décimée. C'est de la folie complète. Je repense à cet extrait qu'on entendait au tout début de l'émission, ce témoignage, cette Française, Paulette Précourt, dont la colère est encore, et l'incompréhension sont toujours vives des années après cette bataille de la Somme. Effectivement, avec le recul, on se dit, mais c'était de la folie pure et simple. C'était de la folie, mais c'est aussi la conséquence de cette impasse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rien faire sur le front. On a une armée allemande qui occupe un pays presque en entier, la Belgique, et un quart de la France. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend on attend quoi? Donc, il faut agir. Il faut que les troupes bougent. Il faut que l'état-major ait l'impression qu'il se passe quelque chose. Il faut que l'opinion publique ait l'impression qu'il se passe quelque chose. Et donc, on essaie de trouver des solutions. Et ces solutions, elles vont apparaître notamment dans le cadre de l'offensive. Il y aura des innovations technologiques. Mais il va falloir essayer de trouver une formule qui permet de passer à l'offensive, de vaincre l'ennemi, mais vaincre le mini en perdant le moins d'hommes possible. L'état-major est conscient que les pertes sont monumentales, mais on ne parvient pas à trouver de solution en 1916. Mais avant même de faire l'attaque, on se dit on va sacrifier un bon paquet d'hommes? Bien sûr, oui. Bien sûr. Et on est tout à fait conscient. Une justification qu'on a donnée aussi, c'est de dire que ben on grignote l'ennemi. C'est une guerre d'usure. Oui. Alors l'objectif, c'est de tuer davantage d'ennemis qu'ils en tuent dans nos troupes. Oui. Et en bout de ligne, et bien à terme, on va gagner la guerre par cette usure. Voilà. Ouais. Et ça, c'est vraiment nouveau parce que dans le modèle plus traditionnel, c'est du coup par coup, on gagne une bataille. Là, on voit ça en se disant on les aura à l'usure. Voilà. C'est tout à fait à l'image de cette nouvelle guerre industrielle. Ouais. Les grandes puissances sont tellement puissantes qu'on ne peut pas les détruire avec une bataille. Ouais. Il faut les détruire sur le long terme. Il faut que la société entière soit lasse et décide de plus faire la guerre. Et donc, on est au-delà là, de la bataille traditionnelle qui est dans la doctrine militaire occidentale d'un choc entre deux armées qui se termine à plus ou moins long terme par l'abandon d'une partie. Et cette guerre industrielle, évidemment, cette nouvelle manière de faire la guerre, c'est aussi le développement d'équipements, les obus. On a bien vu que ça n'avait pas donné les résultats qu'on escomptait. Et l'utilisation, ça c'est nouveau aussi. Pour la première fois, on va utiliser des chars au combat dans cette bataille de la Somme. Extrait à ce propos d'un reportage de France 3 diffusé en 2006. Le 15 septembre 1916, les chars d'assaut participaient pour la première fois à un combat lancé à la vitesse diabolique de 6 km/h. Les chars s'embourbent dans la boue de la Somme, se tombent dans les tranchées abandonnées et n'avancent finalement que très lentement. Ils seront souvent dépassés par l'infanterie qui prendra les premières lignes sans avoir besoin d'eux. Mais un Canadien rapportera cette anecdote que les chars vont impressionner les Allemands. Et un officier allemand dira même « c'est plus la guerre, c'est une foutue boucherie ». 49 chars ont été transportés d'Angleterre vers la France. La moitié tombe en panne avant la bataille. Les autres sont répartis sur le front, avec plus ou moins de bonheur. Nous voici à Flers, village raflé grâce à un tank qui passait par là. En voyant ce char visiblement invincible, qui résiste aux shrapnels allemands, qui résiste aux mitrailleuses qui sont cachées dans les caves bétonnées du village, cela va redonner du moral aux troupes britanniques qui vont spontanément se ruer à l'assaut du village. Alors malgré ce bilan mitigé, Karl Bouchard, de l'utilisation pour la première fois de chars dans cette bataille de la Somme, il y a quand même un truc intéressant. Il y a malgré tout, d'abord, un facteur psychologique. Oui. Le char fonctionne et intimide l'ennemi. Et puis ça nous montre bien que dans cette bataille de la Somme, on est en train de vraiment, encore une fois, changer la manière de faire la guerre. Voilà, c'est une façon de trouver des formules, des solutions. Il y a différentes solutions. On peut essayer d'aller chercher d'autres pays qui vont embarquer avec nous dans la guerre. On peut essayer on doit financer, donc détruire l'économie de l'ennemi. Il y a toutes sortes de stratégies qu'on utilise pour essayer de vaincre l'adversaire. Et l'une de ces stratégies, c'est la technologie. On sait que l'aviation va aussi commencer à s'installer comme instrument de guerre pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, le char d'assaut que les Britanniques appellent comme notre cas, le tank, va devenir donc une des pièces de cette guerre. Alors au début, en 1916, évidemment, on l'entend par l'extrait, c'est un peu catastrophique, mais l'effet symbolique est important. Ouais. Les Allemands, même s'ils voient la moitié des tanks déjà en panne au moment de l'offensive, savent bien que ce qui se passe là est en train de changer aussi la technologie. Alors, dans le cas de la Première Guerre mondiale, les Allemands ne vont pas se lancer dans la construction de chars d'assaut. Ils ont besoin d'acier pour faire des sous-marins. Alors, ils abandonnent l'idée du char d'assaut, mais tout de suite, ils comprennent que c'est une arme qui va avoir de l'importance et donc on doit se protéger contre cette arme-là, développer des défenses aussi contre le char d'assaut. Oui, ils vont en faire aussi, mais avec un temps de retard. Exactement. Exactement. Ouais. Le bilan, au total, parlons d'abord du chiffre, on l'a un peu évoqué, mais de ce que ça va donner, cette fameuse bataille de la Somme. Ça dure, il faut le rappeler, plus de 4 mois. Oui. Avec quel bilan? 4 mois et demi, avec un bilan extrêmement mitigé. En fait, les Britanniques avancent de 12 kilomètres. Les Français d'à peu près 8 kilomètres sur une douzaine de grands moments de bataille. Donc, sur 4 mois et demi, c'est une avancée qui est complètement ridicule. Si on rapporte les kilomètres parcourus en nombre de morts, on a à peu près 17 morts par mètre gagnés. Donc, les chiffres sont... On perd un peu de sens, en fait, du chiffre lorsqu'on parle d'un million et demi de morts. Mais quand on le rapporte au nombre de mètres, alors on s'aperçoit que les pertes sont absolument monumentales. C'est 3000 morts par jour pour les Britanniques pendant l'ensemble de l'offensive. Alors, ce qui est le plus fascinant là-dedans, au-delà des chiffres, c'est qu'on ait réussi à tenir, que les troupes ne se soient pas mutinées, qu'il n'y ait pas eu de rébellion à l'intérieur des troupes, que l'opinion publique ait continué à soutenir cet effort-là. Et c'est ça qui est peut-être le plus phénoménal dans le cas de la Première Bien Guerre mondiale. Bien que, sur le plan de l'opinion publique, je pense qu'il y a comme un point de tournant. On se rend compte du ridicule de la chose après coup, mais on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Voilà. Et ça devient, pour les Britanniques, le symbole de l'absurdité de la guerre. On a tenu jusque-là, mais à partir de 1916, la fin 1916, les armées sont fatiguées et les populations commencent à être fatiguées. Et ça montre aussi, ces deux offensives, Verdun et la Somme, montrent aussi qu'il faut trouver des solutions. Il faut trouver des solutions parce qu'on ne pourra plus tenir, les sociétés ne pourront plus tenir aussi longtemps dans la guerre. Et cette lassitude-là, elle se fait sentir à partir de 1917. Il va y avoir des épisodes de mutinerie dans l'armée française, dans l'armée russe. On connaît les conséquences importantes dans le corps russe. Il va y avoir de plus en plus de grèves dans les industries parce qu'on n'arrive plus à soutenir le rythme de production. Et c'est aussi donc une prise de conscience qu'on doit trouver d'autres formules. Autre élément dans l'héritage, en quelque sorte, de cette bataille de la Somme, l'apparition, on commence à s'intéresser à partir de ce moment-là au stress post-traumatique chez les soldats. Et ça va beaucoup s'incarner pour ce qui est de la bataille de la Somme en 1916 autour d'un mot, l'obusite ou le choc de l'obus. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Ben, au début, on a l'impression que les soldats qui ne veulent plus combattre, c'est une forme de mutinerie mentale, en fait, des soldats qui n'arrivent plus à agir normalement, qui ont des déséquilibres mentaux, des déséquilibres physiques, et qui font un peu la grève de combat, mais une grève psychologique de combat. Et au départ, on croit que c'est parce qu'un obus a explosé près d'eux, d'où le terme obusite en français ou le shell shock en anglais, et que c'est la commotion, en fait, causée par l'obus qui a provoqué des problèmes mentaux. Après, on commence à s'apercevoir, en fait, que c'est pas forcément des gens qui combattent ou qui ont été victimes d'une explosion rapprochée qui sont victimes de cet état. Et on s'aperçoit, en fait, que les conséquences mentales d'un combat prolongé et d'une exposition à la violence qui est inhumaine, eh bien, finit par avoir des conséquences psychologiques majeures. On le savait, mais on ne l'avait pas imaginé à cette ampleur. Et on commence à craindre des épidémies de choc post-traumatique. On se dit, mais si les soldats se mettent à plus vouloir combattre, qu'est-ce qu'on va faire? On va perdre la guerre. Donc, on doit absolument se préoccuper de cet événement-là. C'est une prise de conscience de la médecine absolument phénoménale. Mais ils sont complètement paralysés, je pense, dans certains cas. C'est physique, là. Il y a des hommes qui ne peuvent plus bouger, ne peuvent littéralement plus bouger, qui sont complètement tétanisés au terme du combat, ben parce que ce qu'ils voient tous les jours, ce sont des amoncellements de corps, ce sont des corps déchirés, ce sont des mers debout, ce sont des chevaux. Il y a des centaines de milliers de chevaux qui meurent pendant la Première Guerre mondiale, donc des chevaux qui sont décapités. Donc, il y a ces visions d'horreur et l'intensité du combat fait en sorte que, à un moment donné, le corps flanche. Et l'armée va être d'abord prise au dépourvu. On ne comprend pas ce genre de réaction, de phénomène. J'allais dire, elle sera parfois, cette armée, très... très dure, puis je pèse mes mots, par rapport à très, très peu compréhensive par rapport à... Extrêmement préoccupé parce qu'on a peur que ça se propage. On ne comprend pas très bien le phénomène, donc on a peur que ce soit une épidémie. Et on retourne ces gens-là au combat. On ne les croit pas. On a peur que, que ce soit simplement une stratégie pour ne pas combattre. Et puis, ça remet en cause aussi l'idéal viril de l'homme qui peut garder son sang-froid dans toutes les situations. Donc, c'est une remise en cause aussi de la masculinité. On fait une réflexion sur la masculinité. Qu'est-ce que c'est qu'un soldat en guerre? Et est-ce qu'on peut garder ce soldat et l'équilibre psychologique du soldat dans le cadre de la guerre? Donc, ça devient un objet d'étude absolument majeur là, dans le cadre de la Première Guerre mondiale. C'est la pièce Battle of the Somme qu'on entend, une pièce composée par l'Écossais William Laurie. William Laurie qui est soldat au cours de cette bataille. Il va être blessé. Il va finalement succomber à ses blessures. Et son histoire fait partie un peu, Carl Bouchard, de tout ce qui tourne sur le plan mémoriel autour de cette bataille de la Somme qui va être très, très importante. Quelle place va occuper justement la bataille de la Somme sur le plan mémoriel? Peut-être revenir d'abord, évidemment, au bilan. Le bilan en chiffres, mais... C'est vraiment important dans l'histoire, cette bataille-là, sur le souvenir qu'on a de la Première Guerre mondiale. Tout à fait. Les témoignages aussi, dès la fin de la guerre, sur cet événement, ont vraiment marqué les esprits. Et on a un magnifique témoignage, c'est celui d'un Allemand, Ernst Jünger, qui deviendra un des écrivains importants de l'Allemagne de l'entre-deux-guerres. Il a 19 ans au moment de l'offensive de la Somme. Et il raconte dans un ouvrage qui s'appelle « Orage d'acier » son arrivée, en fait, sur le front. Et je vais le citer. Quiconque a vu ce paysage dévasté s'en souvient à jamais. Il y a peu, cette région était couverte de prés, de bois et de champs de blé. Il n'y a plus rien, absolument rien. Il ne reste littéralement pas un brin d'herbe, pas le moindre petit brin d'herbe. Chaque millimètre de terrain a été retourné et encore retourné, les arbres sont arrachés en lambeaux des tas de sueur. Les maisons sont abattues, les pierres pulvérisées. Les rails des chemins de fer sont tordus en spirale, des collines rasées, bref, tout est dévasté, un désert. Et partout des morts, des cadavres retournés 100 fois et déchiquetés par de nouveaux obus. Des lignes entières de tireurs gisent devant leur position. Notre caillebotis est couvert de cadavres empilés les uns sur les autres. On ne peut pas donner trois coups de bêche sans tomber sur des restes humains. À droite et à gauche, des routes menant à la bataille s'entassent les morts. Ils sont tombés, peut-être blessés, mais dans l'angoisse de la mort, leurs camarades ne se sont pas arrêtés. Les morts qui jonchent le parcours nous indiquent que nous sommes sur la bonne voie. Alors c'est ce genre de témoignage qu'on commence à lire à partir des années 20. Et qui montre aussi, qui fait prendre conscience à la population, qui savait ce qui s'était passé, malgré tout, qui est soumise à la censure, de l'ampleur de cette dévastation. Exactement. Ouais. Et sans parler des zones qui sont, pendant des décennies impropres à l'agriculture, ce sont des zones de combat tellement importantes, il faut sortir les corps après la guerre, qui sont tombés dans ces espaces, il faut faire des cimetières. Il y a près de 200 cimetières britanniques dans la seule Somme où on a entreposé les corps britanniques. Et bien, ce sont des zones aussi qui sont impropres à l'agriculture parce que les obus sont tombés, il y a encore des obus qui n'ont pas explosé. Donc, ça reste évidemment dans la mémoire des Européens. Et c'est une bataille, au fond, probablement la plus emblématique de ce que sera cette, avec le recul, sur le plan mémoriel, ça reste l'une des grandes batailles de cette Première Guerre mondiale. Voilà, c'est le moment où les populations arrivent au point où on ne peut plus, dans l'opinion publique, justifier de telles pertes. Donc l'absurdité de la guerre arrive à son comble à partir de 1916. Carl Bouchard, historien à l'Université de Montréal, collaborateur régulier à l'émission, merci infiniment. Avec plaisir. À une prochaine. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.